chapitre 3e, Mademoiselle Alstine parle. C'est une impression singulière, celle de se trouver en face d'une jeune personne sur qui pèse le soupçon abominable d'avoir assassiné son père et son frère. Surtout lorsque cette personne est une jeune fille visiblement instruite, cultivée et douée d'un physique agréable. Tout à l'heure, elle n'était pas loin de m'être sympathique. Maintenant, j'éprouve une gêne vis-à-vis d'elle. Je lui rendis son journal avec mes remerciements. « Il n'y a pas de quoi, monsieur, » me dit-elle. « Si, si, très intéressant. Cette affaire Alstine est passionnante. » Elle tourna vers moi son regard triste et doux. « Vous savez qui je suis. Je vous ai vu causer avec mon garde du corps. Il vous a certainement mis au courant. Vous connaissez de quoi sont accusés mon fiancé et moi. Des soupçons, simplement. La justice tâtonne. Il faut bien qu'elle s'engage sur toutes les pistes. Beaucoup croient mon fiancé coupable. C'est-à-dire qu'il se défend mal. Il est indéniable qu'il assiste au meurtre de votre frère. Il ne l'a jamais contesté. Alors pourquoi n'en fait-il pas un récit exact? Parce qu'on l'a cru fou lorsqu'il a voulu le faire. Ou plutôt, le juge a cru qu'il simulait la folie. Et c'est encore un plus mauvais système de défense. Il préfère se taire. Pourquoi ne nomme-t-il pas l'assassinat? Il ne le connaît pas. Vous dites qu'il était présent, comme moi. Certains, je le sais, prétendent que son silence m'accuse. Je voulus m'attirer les bonnes grâces de mon interlocutrice et capter sa confiance. J'ai suivi de très près l'affaire. Je ne relève aucune charge précise contre vous ni votre fiancé, hors votre présence près du lieu du crime. Par contre, j'incline à croire à une vengeance d'ouvriers renvoyés pour fait de grève. J'ai retenu aussi que les Allemands avaient travaillé à la construction de l'usine. Ces gens-là sont tenaces dans leurs ressentiments. Il se peut que leur haine soit responsable de ces meurtres. Je n'avais donc pas tort. Ils ont été criminels inconsciemment. Inconsciemment. Leur haine pour les Français a tué mon père et mon frère. Un pli barra le front de Mademoiselle Alstine. Elle sembla regarder dans le passé. Sa voix se fit plus âpre. Je les vois encore. Ils n'étaient plus en dernier lieu qu'une quinzaine d'ouvriers qui travaillaient chez nous. C'étaient tous d'anciens prisonniers de guerre. Le bon souvenir qu'ils avaient conservé de la France les avait incités à revenir. Tenez, mon père avait aussi fait appel à un ingénieur métallurgiste d'Essen, Otto Pinkus. Mon père était pressé, il était impossible de se procurer en France des techniciens avisés. Les besoins sont si grands, et la main-d'œuvre si rare. Cet Otto paraissait des plus corrects, très froid, poli, pourtant. Quand je l'observais à la dérobée, j'étais effrayé de l'expression hostile et cruelle de son regard. Je m'en ouvris même à mon père. Je lui demandai s'il était prudent de confier les travaux délicats de tels ennemis. Mon père me répondit. « Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai fait appel à un métallurgiste ennemi. Je sais que cela me sera reproché et me causera du tort au point de vue politique. Monsieur Alstine, n'est-ce pas, était conseiller général des Ardennes. Oui. Et il avait des ambitions politiques plus grandes. Il ajouta, « Tu ne m'apprends rien sur leur hostilité à notre égard. J'en sais plus long que toi. » L'autre jour, en entrant à l'improviste dans la chambre de Topinkus, en son absence, non pas pour l'espionner, je ne leur prends pas leurs mœurs, mais pour y chercher une épure dont j'avais besoin, je trouvai sur son bureau une lettre commencée qu'il destinait à ses parents et où il nous traitait de chiens bons à abattre. C'est très important. Il y a là un commencement de preuve. En avez-vous parlé au juge? Naturellement, je me félicitais de ma perspicacité. N'avais-je pas tout à l'heure attaché la plus grande importance aux informations de Paris-Midi concernant ces travailleurs allemands? Mais Mademoiselle Alstine me répondit avec lassitude. « Ah bon, vous ne savez pas ?» Je l'interrompis violemment. « Cette lettre peut prouver la préméditation. Ce que vous me dites serait capable d'orienter l'instruction dans une voie nouvelle. » « Et fausse. » Mon père avait encore ajouté. « Je ne crains rien. » Ces Boches ont une conscience remarquable dans l'exécution de leurs travaux. Ceux qui sont ici, tout un son étant notre mort, s'acquittent le mieux qu'ils peuvent de leur tâche. La suite des événements a prouvé qu'il passait mal sa confiance. « Je ne le pense pas. Il disait vrai. Je ne comprends plus. Vous ne croyez pas à la culpabilité des Allemands ?»« Non. Culpabilité morale seulement. Elle n'est pas justiciable des lois humaines. Cette culpabilité morale, il la partage d'ailleurs avec d'autres, avec des ouvriers français. » Mademoiselle Alstine s'arrêta. Ses paroles étaient obscures. Je lui en fis la remarque. Je n'ai pas promis d'éclaircir pour vous le mystère. Je ne suis pas payé, moi, par l'étoile du matin pour rechercher la vérité. Je lui fis observer combien, grâce à la diffusion de mon journal, je pourrais être utile à sa cause et à celle de son fiancé. Si elle pouvait m'expliquer le meurtre de son père et de son frère, demain, le monde entier connaîtrait son explication. « Eh bien, dit-elle, sachez que la guerre est la cause initiale de tant de malheurs. Les usines de mon père ont été reconstruites à l'aide des déchets métalliques de la guerre, vieilles fontes, vieux aciers qu'on a fait resservir, et qui, à l'usage, se sont montrés de qualité inférieure. Ceci explique les accidents mortels dont certains ouvriers ont été victimes, mais le meurtre. Toutes ces morts ont une cause identique. Je m'en doutais. La conclusion du rapport officiel est erronée. Retenez bien ceci qui a une grande importance. Le métal employé à l'usine est du métal qui a fait la guerre et a vu ses sanglantes horreurs. Elle se tut. Nous entrions en gare de Manille.